me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici conviés comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le National, journal indépendant, fondé en janvier 1830, s'est-il identifié à Armand Carrel? Quel modèle de liberté de la presse a-t-il incarné? Pourquoi Armand Carrel apparaissait-il comme un républicain, hautain et militaire? Pourquoi, selon Sainte-Beuve, son esprit chevaleresque a-t-il permis sa chute? Et quelle était son amitié avec Chateaubriand? Nous avons découvert hier, dans le cadre de la série d'Antoine Compagnon de la littérature comme sport de combat, le talentueux et admiré Armand Carrel, grand journaliste mort en duel, ancien militaire, un temps condamné à la prison, où il se forma comme homme de lettres, un temps secrétaire de l'historien Augustin Thierry. Homme d'honneur, défenseur de la liberté et du bien commun, Carrel vivait en concubinage dans un milieu parisien conservateur sous la Restauration. Et Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, avait souligné le romanesque de son destin auquel tout le monde était sensible. Et à commencer par Chateaubriand qui voyait en Carrel une sorte de fils spirituel. Dans ses mémoires d'outre-tombe, il note « Carrel était à la fois le courage et le talent du National auquel il travaillait avec messieurs Thiers et Minier. Rien de plus romanesque que sa vie, écrivait-il, en rappelant quelques épisodes illustres du sous-lieutenant rebelle qui a échappé à mille dangers. L'amour se trouve mêlé aux troubles de son existence privée. Il lui faut protéger une passion qui soutient sa vie et cet homme de cœur, toujours prêt au grand jour à se jeter sur la pointe d'une épée, met devant lui des guichets et les ombres de la nuit. Il se promène dans les campagnes silencieuses avec une femme aimée. Nous le retrouvons aujourd'hui au moment où Carrel va prendre la tête du journal indépendant Le National et se couvrir de gloire. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Antoine Compagnon le 6 février 2018. Aujourd'hui, Armand Carrel, l'esprit de chevalerie. Eh bien, je continue à vous parler d'Armand Carrel. Et j'ai donné comme titre aujourd'hui l'esprit de chevalerie pour repérer l'extraordinaire charisme, l'aura, l'autorité de cet homme pendant les années durant lesquelles il a dirigé le National, ce journal le plus influent dans l'opposition contre le régime de Louis-Philippe entre 1830 et sa mort en 1836. Le National, maintenant. Le National, qui est ce quotidien fondé en 1830, en janvier 1830, et qui est totalement identifié à Carrel. Il est fondé en janvier 1830 avec Thiers et Minier. Et Carrel est le troisième homme, le moins important des trois. Thiers, Minier et Carrel. Voici ce que dit Chateaubriand de ces trois hommes. « Je reviendrai, dans les mémoires d'outre-tombe, sur les rédacteurs du National. Je dirai comment je les ai connus, mais dès à présent, je dois mettre à part M. Carrel, supérieur à MM. Thiers et Minier. » Évidemment, M. Thiers et Minier sont allés à la soupe après 1830. Ils ont été nommés aussitôt conseillers d'État, tandis que Carrel est resté journaliste. Supérieur à messieurs Thiers et Migné, il avait la simplicité de se regarder à l'époque où je me liais avec lui comme venant après les écrivains qu'il devançait. Il soutenait avec son épée les opinions que ces gens de plume dégainaient. Belle formule de Chateaubriand pour ceux qui dégainent des idées et ceux qui les soutiennent à l'épée. Dans le premier national, c'est-à-dire de janvier à juillet 1830, c'est Thiers qui écrit les éditoriaux politiques, ce qu'on appellera plus tard les premiers paris, à la page 1, tandis que Carrel est plutôt limité au sujet littéraire. C'est là qu'il écrit contre Vigny, contre Hugo. Quelle est la doctrine du National à ce moment-là? Ben, c'est un journal qui est fondé pour saper le régime et pour défendre la substitution des Orléans aux Bourbons. Et il y a un important article, il y a de temps en temps des articles importants de Carrel, et notamment un article qui s'appelle « Le livre du contrat social et la charte » contre Rousseau. « La souveraineté du peuple et les trois pouvoirs ». C'est un article où Carrel réplique aux accusations d'être en faveur de la souveraineté du peuple. Et c'est là qu'il dit qu'il n'est ni pour la légitimité, ni pour la souveraineté du peuple, mais pour la force des choses. La force des choses. La charte a été non pas octroyée, dit-il, mais venue de la force des choses. C'est la force des choses qu'il a imposée. Elle est l'œuvre des temps et non de l'arbitraire royal. Autrement dit, si la charte était le résultat de l'arbitraire royal, elle pourrait être révoquée, comme l'édit de Nantes, mais la charte, elle est le résultat de l'histoire. Voici ce qu'il dit. Vous savez bien que ce n'est point un pur élan de paternité monarchique, l'octroi de la charte par Louis XVIII, mais les mécomptes et les fatigues de toutes les inimitiés qui ont fait la charte, qu'en un mot, elle est l'œuvre de la guerre et non de la paix. Si la royauté, l'aristocratie, le peuple étaient amis de leur nature, il ne serait pas nécessaire qu'une charte vînt dire ce qui se peut et ce qui ne se peut pas pour chacune des parties mentionnées au contrat. Après la charte, il n'y a donc plus à se battre si chacun est sage. Et le peuple n'a plus besoin d'être souverain. Vous voyez, c'est une affirmation d'un personnage qui n'est pas du côté des révolutionnaires dans ce moment-là et de l'insurrection. C'est un libéral à l'anglaise. La source, en bas de ce même texte de 1830 sur la souveraineté du peuple, la source de tous les pouvoirs est dans la bourse des contribuables. C'est pas la souveraineté du peuple, c'est pas le vote, c'est l'impôt. Ce n'est pas là du moins une abstraction pour laquelle on puisse s'égorger, c'est l'invincible bon sens du bonhomme Jacques. Jacques Bonhomme, le paysan des jacqueries du Moyen-Âge. Il n'y a pas de doute qu'on a affaire donc à un libéral à l'anglaise qui est pour une charte non octroyée, résultat de la force des choses, sans être pour la souveraineté du peuple, entendu à la manière de Jean-Jacques Rousseau. Mais la grande notoriété de Carrel, elle vient après juillet 1830, quand il se retrouve seul à la tête du National, que Thiers et Migné prennent d'autres rôles, d'autres fonctions. Et c'est là que le journal s'identifie totalement à lui, alors que, comme vous avez compris quelle était sa philosophie politique, en juillet 1830, Carrel est resté en retrait du mouvement, puisque la seule protestation qu'il concevait concernait les impôts, refusait de payer les impôts. Il proteste pour les ordonnances, mais il ne compte nullement sur la résistance armée du peuple sur la guerre de pavés et de rues. Il se trompera et il le reconnaîtra plus tard, puisque, vous voyez que je vais très vite, il dira plus tard, il n'y a, dès le 30 juillet 1830, donc au lendemain de la Révolution, il dira, il n'y a point de terme qui puisse rendre l'impression qu'a produite la conduite du peuple de Paris sur ceux qui l'ont observé dans les journées d'aujourd'hui et d'hier. Injuste que nous étions, nous le croyons désintéressé dans les questions constitutionnelles. Le peuple s'intéresse à la Constitution. Peindre l'intrépidité, l'intelligence, l'infatigable ardeur avec laquelle le peuple s'est prodigué dans une foule d'attaques meurtrières depuis 2 jours serait impossible. Cet héroïsme particulier à la nation française en Europe ne s'était montré dans aucune circonstance tel qu'il a éclaté à la lecture des infâmes ordonnances du 26. Il faut ajouter encore qu'on a bien vu que ce peuple n'était plus celui de l'Ancien Régime, mais celui que la Révolution a formé. Le peuple n'a point égorgé ce qui tombait entre ses mains, il a été clément autant que brave, il a traversé les appartements des Tuileries sans détruire, sans piller, sans emporter. Voilà cette reconnaissance du rôle joué par le peuple en 1830, mais ça ne sera pas pour autant une conversion, puisque en 1832, lors des insurrections, Carrel sera aussi distant et non engagé. Je voudrais terminer juste en vous montrant quelques images de cette gloire qui était la sienne en 1832, puisque c'est le moment où il est abondamment représenté. Voici une lithographie de 1832, c'est celle qui est toujours reproduite, et c'est donc le moment de sa plus grande, du sommet de sa célébrité. En 1832, il est devenu républicain, déçu par la monarchie de Juillet. Voici le médaillon de son ami David d'Angers, dont Carrel dit dans une lettre « Grand merci de l'immortalité que je vais vous devoir ». Et voici ce tableau d'Henri Schaeffer, qui est exposé au salon de 1833 et qui nous montre bien le type de républicain qu'est Carrel. Il est républicain à ce moment-là, mais c'est un républicain autoritaire. C'est un républicain qui annonce Clémenceau, cette lignée-là du républicanisme. C'est un républicain qui voudrait, comme quelqu'un dit, il était républicain, mais républicain à sa manière. C'était un républicanisme militaire, rêvant la dictature exercée du consentement de tous. Le consentement de tous. Par une intelligence hors ligne, au nom et au profit des idées démocratiques. Voilà la République de Carrel. Et voici le commentaire d'un des compte rendu du salon de 1833, c'est un des meilleurs prosateurs. Remarquez que il n'a pas arboré le gilet rouge, l'habit au large revers, les gants couleur sang, le chapeau pointu ou écrasé, la barbe ou les longs cheveux flottants. Il est mis comme un carliste, comme un épicier, comme un juste milieu, comme on se met. Donc c'est le républicain bourgeois, le républicain aristocrate, ce qui lui vaudra quelques tours par la suite. Et voilà ce que disait de lui John Stuart Mill, le philosophe libéral anglais, l'un des fondateurs du libéralisme. Il disait de Carrel tout simplement qu'il était « the greatest political leader of his time ». Ce qui est tout de même impressionnant pour un homme qui n'a jamais exercé de pouvoir politique, qui est un journaliste. Et John Stuart Mill, à sa mort, lui a consacré un long article dont il disait, dans une lettre à l'un de ses amis, « I have written con amore ». J'ai écrit cet article avec amour. Il avait connu Carrel lors de ses jours de Carrel à Londres et de ses séjours à Paris, je crois aussi. « And those who have seen it think it the best thing I have ever yet done. » Mon meilleur article est sur Carrel en 1837. I never admired any man as I did Carrel. He was to my mind the type of a philosophic radicant, man of action in this epoch. Il est le modèle du philosophe homme d'action aux yeux de Stuart Mill, qui dira encore en 1848, Without Carrel, or I fear anyone comparable to him, the futurity of France and Europe is most doubtful. Sans Carrel, l'avenir de l'Europe est compromis. Ça vous donne l'idée de la grandeur de cet homme à son époque, et Stuart Mill disait encore qu'il y avait seuls deux Français qu'il admirait à l'époque, c'était Carrel et Tocqueville, bon, les deux fondateurs du libéralisme. Mais lorsque je l'ai laissé en parlant de lui en 1830, il était seulement le troisième homme, derrière Thiers et Guizot, fondateurs du National, et les deux autres étaient bien plus en vue. Je vous le disais, Carrel était cantonné aux articles de variété plutôt qu'aux éditoriaux politiques que Thiers se réservait. Et c'est dans ces articles que Carrel a mené une petite guerre contre les romantiques, notamment Vigny et Hugo. Il était, pour beaucoup, irrité par leurs revendications tardives de libéralisme politique. Et je crois que l'hostilité de Carrel à l'égard des romantiques, notamment Hugo, elle est plus politique que littéraire. Revenons, disait-il, à cette heureuse et indissoluble fraternité du libéralisme et du romantisme dont nous ne nous doutions pas. L'affinité du libéralisme et du romantisme est une invention tardive. Au contraire, disait-il, le goût des littératures étrangères et les premières velléités du romantisme naissaient dans le même temps, parmi ceux qui avaient fui le sol français, les émigrés. Il n'y a pas plus de 4 ou 5 ans que le romantisme a perdu le caractère un peu ennemi de la Révolution qu'il devait à cette origine. La première feuille qui s'est déclarée pour lui, bon, c'est le Globe, feuille distinguée et assurément très libérale, ne s'est rattachée à lui que par des théories, et ce qu'il a produit de plus remarquable, il l'a dû aux inspirations monarchiques et religieuse. Pour tout dire, enfin, ce n'est guère qu'après avoir servi la cour et s'être un peu brouillé avec elle qu'il s'est avisé de venir réclamer la voix puissante du peuple. Ça, c'est au moment de l'Hernani, mars 1830. Et pour Carrel, qui a été condamné à mort sous la Restauration, l'opportunisme des libéraux du lendemain a quelque chose de choquant. C'est aussi qu'il préfère les classiques aux romantiques, mais on ne peut pas dire toutefois qu'il soit un partisan des néo-romantiques. Et il écrit à Hugo, puisqu'il y a un échange de lettres à propos d'Hernani et de cette critique d'Hernani, il écrit à Hugo « Je suis pour les classiques, il est vrai, monsieur, mais les classiques que je me fais honneur de reconnaître pour tels sont morts depuis longtemps ». Autrement dit, ce sont les classiques du XVIIe siècle et non ceux d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de Courrier qui disait qu'il fallait traduire Hérodote dans la langue de Rabelais, puisque c'était la Grèce enfant. Eh bien, Carrel en veut à Vigny, qui dans son Othello traduit Shakespeare en romantisme, alors que, dit Carrel, toute la langue qu'il faut pour traduire Shakespeare et dans Corneille, Racine et Molière. Même argument anti-romantique qui fait de lui, aux yeux de Sainte-Beuve, par exemple, le prototype du véritable classique. Je vous avais dit que dans Port-Royal de Sainte-Beuve, la comparaison est constante entre Carrel, Courrier et Pascal, le Pascal des provinciales, dans leur langue classique, et Sainte-Beuve dit de Carrel, Carrel était de l'école ancienne d'Arnaud et de Nicole, de celle de Pascal, les jours où Pascal ne se dessine pas trop, Nous avons eu, à côté de Carrel et de son temps, de très habiles et très distingués journalistes politiques. Nous en avions hier encore parmi les plus jeunes de très originaux et de très saillants. Carrel n'avait rien de ces saillies à la moderne et un peu hasardées. Sa forme est sévère, elle est véritablement classique. Il y a donc une apologie du classique, mais le classique, c'est Pascal, avant tout, et on ne trouve chez lui aucun des tics du journalisme contemporain fait de saillies. Et pour Sainte-Beuve, c'est le style du soldat. Voici ce qu'il dit encore de son style, de cette rude guerre qu'il soutint durant près de 6 années, les soldats de Carrel, les soldats de Carrel, ce sont ses articles, sont vigoureux, fermes, adroits, infatigables, ils ne sont pas brillants, ils n'ont pas de casque au soleil, son expression luit rarement et ne rit jamais, il a une propriété de terme exacte et forte et qui enfonce, mais il reste rarement, quand on l'a lu, des traits marquants, isolés et comme des fragments de javelot dans la mémoire, le rayon poétique lui a toujours manqué. Donc le classique, vous voyez qu'il est guerrier, c'est toutes ces métaphores guerrières qu'on trouve partout chez Sainte-Beuve et qui lui donnent cette véritable vocation politique. Je crois que je vous disais déjà qu'en juillet 1830, au moment de la Révolution, Carrel raisonnait en militaire et ne voyant pas poindre de bataillon, ne croyait pas à l'insurrection populaire improvisée. Mais il reconnut très vite son erreur dès le lendemain des Trois Glorieuses et fit amende honorable, disant, c'est dans un article de la fin de l'année 1830, « Nous y étions, nous l'avons vu, nous tous qui en parlons, qui en discutons aujourd'hui, mais soyons de bonne foi, nous n'y avons rien compris. Nous n'avons rien compris à la Révolution de 1830. Nous ne voulions pas croire à une si prompte victoire et nous en profitons en attendant. » C'est le peuple qui a fait les barricades auxquelles ces modérés ne croyaient pas, puisqu'ils croyaient que la seule protestation, c'était à travers le refus de l'impôt. Eh bien, ce sont eux qui récoltent les fruits de la Révolution. Et Carrel est nommé, comme tous ses amis, aussitôt au poste de responsabilité, il est nommé préfet du Cantal en août 1830. Mais il refuse. Et partout, dans tous les textes, on cite une phrase de lui, « Je crois qu'on m'aurait gagné en août 1830 si, au lieu d'une préfecture, on m'avait offert un régiment. » Mais comme on ne lui a pas offert un régiment, il est resté journaliste, il a préféré le national, et Thiers et Mignet ayant été nommés au Conseil d'État, il est resté seul à la tête de ce journal, refusant d'en faire un journal ministériel alors qu'il était favorable au régime, et écrivant dans son premier article comme seul rédacteur du national, n'ayant cessé de vouloir de demander pour la France la royauté consentie, j'évoquais cette opposition de la royauté consentie à la royauté octroyée ou imposée de droit divin, et telle qu'elle existe aujourd'hui, il serait surprenant que les rédacteurs du National n'eussent pu, sans démériter, s'employer à la consolidation de l'édifice dont ils peuvent passer pour avoir jeté les fondements. Autrement dit, il revendique la paternité de ce régime et il l'appuie, mais, ajoute-t-il, quant au national, la pensée dans laquelle il a été conçu lui interdisait de devenir jamais feuille ministérielle, il restera ce qu'il était sous l'ancien gouvernement, indépendant. Et vous voyez que cette jalousie de liberté de la presse, Carrel, c'est la définition même de la liberté de la presse, aussi bien sous la Restauration, régime ennemi, que sous la monarchie de Juillet, régime qui commence par être ami. Et sa réputation est vraiment liée à ce refus de la vénalité. Je vous disais que tout Lucien Leven est traversé par la figure de Carrel, et voici ce petit passage de Lucien Leven qui nous montre bien l'image de Carrel sous la monarchie de Juillet. Hein, Lucien Levenne, qui est écrit dans les années de la gloire de Carrel, entre 1834 et 1836. Lucien a été placé par son père au cabinet du ministre de l'Intérieur et il est mêlé à une obscure affaire, comme il y en a eu beaucoup au début de du régime de Juillet, une guerre des polices qui a fait une victime d'un policier provocateur qui devait attaquer une sentinelle et qui s'est fait abattre par la sentinelle. Et voici ce que dit le ministre en confiant cette mission à Lucien. « L'inquiétude est grande au château, donc aux Tuileries, chez Louis-Philippe, l'article du National abominable de modération. » Et voilà qui caractérise le style de Carrel. Carrel n'est pas de ces républicains véhéments, mais c'est sa modération qui fait peur. Il y a une finesse, une hauteur de mépris. On le lira jusqu'au bout dans les salons. Ce n'est point le ton de la Tribune. La Tribune, c'est l'autre journal d'opposition, le journal républicain véhément. Ah, ce Zodgui qui n'a pas fait M. Relka conseiller d'État. Alors vous avez le code de Stendhal, un code que la police n'aurait pas eu beaucoup de mal à déchiffrer. Et ce Zodgui, c'est Guizot, tandis que ce Relka, eh ben, c'est Carrel. Hein, ce Guizot qui n'a pas fait Carrel conseiller d'État, la police qui, de temps en temps, descendait dans des visites domiciliaires, aurait bien compris. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette opposition entre les deux journaux d'opposition. La Tribune, c'est le journal de Cavaignac, hein, de Marat, c'est les républicains véhéments, et Carrel, qui fait peur par sa modération, hein, qui fait peur par ce style qui est le même. On l'avait vu dans le tableau d'Henri Schaeffer. Il a l'air d'un des hommes de Juillet. Sa grande œuvre, c'est donc le National. Littré dit « Le National a été la personnification de Carrel ». C'est Carrel personnifié dans ce journal. Et dès le 30 août 1830, dans son premier article, cette identification de l'homme et du journal est très forte, puisqu'il écrit « Les attaques fort déplacées dont il a été l'objet, hein, le journal, depuis 15 jours, ne seraient plus collectives. Elles ne s'adressent désormais qu'à une seule personne, celle qui s'est fait connaître hier pour directeur unique du National, et l'on doit s'attendre qu'elle serait relevée. Relevée avec l'épée. Hein. Une attaque sera relevée avec l'épée. Et vous voyez qu'on a constamment ce jeu de la plume et de l'épée. Dans son premier éditorial, Carrel menace de duel ses adversaires politiques. Ce qui fait dire à Sainte-Beuve, voilà une pointe d'épée qui s'aperçoit. Et combien de fois déjà ne s'était-elle pas montrée à la fin des articles de Carrel, bon, c'est la chute de l'article, là est un faible et qui, transporté de sa vie militaire à sa vie politique, domina toute sa carrière et finit par la briser. Il a donc, dans ce journal d'opposition, de nombreuses cibles en ce début de la monarchie de Juillet. Ces cibles, ce sont la liste civile. La liste civile, comme Cormenin, dont j'ai déjà parlé, le budget de la maison du roi. C'est la défense de la presse, la défense farouche, jalouse. Il s'éloigne du régime, par exemple, lors de la destitution de Lafayette. Lafayette, qui était commandant de la garde nationale après juillet 1830 et qui est destitué à la fin de l'année. Et voici ce que dit Carrel, c'est l'un de ses éditoriaux. Je vous le montre parce que vous voyez que tous ces éditoriaux sont anonymes, mais à la Bibliothèque nationale, dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, on a sans doute la police. Ça vient, on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais les noms des rédacteurs ont été ajoutés à la plume. Par un heureux hasard, lorsque j'ai commencé à travailler sur Carrel il y a quelques semaines, Carrel n'était pas encore disponible sur Gallica, et au fur et à mesure que j'avance, j'ai de plus en plus de numéros. Ce n'est pas encore complet, mais il faudrait que je travaille un peu plus longtemps sur Carrel et je pourrais y passer mes nuits à lire le National sur Gallica. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il dit ici. Aujourd'hui, la Chambre des députés a voté la destitution de Lafayette, une loi qui supprime le commandement national de la garde nationale. Lafayette, à qui Louis-Philippe devait son trône, Lafayette était au-dessus de toute récompense, cela est vrai, mais on le croyait au-dessus des indignités d'un parlement croupion. Voilà le ton de cette première page du National. Ensuite, dans les mois qui suivent de ce régime de juillet, l'ennemi de Carrel, c'est Casimir Perier, président du Conseil à partir de mars 1831, ministère de la paix à tout prix, dont Carrel dit « il n'y avait plus de fierté sous le jupon de la Pompadour ». Ce qu'il reproche à Perrier, c'est de ne pas intervenir dans la guerre en Belgique et en Pologne. C'est l'indépendance de la Belgique, le coup a été raté. Carrel voudrait que ce régime fasse la guerre pour se relever des traités de 1815. Sous le régime, sous le gouvernement de Perrier, Carrel mène une guerre constante, donc en 1831-1832, jusqu'à la mort de Perrier, dans le choléra de 1832, et notamment contre la Chambre des Pairs, contre les pairs héréditaires. Et il y a là toute une campagne d'articles de 1831 jusqu'au moment où Carrel triomphe, en effet, puisque l'abolition de la pairie héréditaire est votée par la Chambre des députés en octobre 1831, puis par le Sénat, la Chambre des pairs, en décembre 1831, après que Louis-Philippe a nommé ce qu'on appelle 36 pairs viagers qui ont fait basculer la majorité. Grâce aux pairs viagers, eh bien, la Chambre des pairs n'est plus héréditaire. Et Sainte-Beuve dit de cet épisode, c'est ce que j'appelle sa bataille rangée, la seule qu'il ait gagnée. Dans les autres questions qu'il engagea plus tard, et hors du cercle constitutionnel, il fit plutôt la guerre en chef de partisans ou de guérilla dans les montagnes. Donc il a quelques triomphes. L'abolition de l'hérédité des pairs. Il triomphe également dans d'autres causes, comme la construction de forts autour de Paris. Projet du régime, construire des forts à Montmartre. Autour de Paris, c'est pas loin, en 1832. Et ces forts sont destinés à protéger Paris de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et Carrel triomphe aussi à ce sujet, avant de se déclarer républicain au début de 1832 et donc de se séparer du régime, laisser anglais de monarchie constitutionnelle ayant raté à ses yeux, il se tourne vers les États-Unis. Et on a un Carrel américain, faisant l'éloge de la République américaine, partisan d'une république consulaire, comme, je dirais, un vieux bonapartiste. Voici par exemple ce qu'il écrit, c'est toujours dans, à la Nationale, avec son nom, Carrel, qui a été ajouté, c'est ce qu'il écrit contre le système de, qu'on ne parle plus du système, c'est le système Perrier, et voici ce qu'il dit de son propre système. « Quant à nous, si l'on nous demande notre système, nous l'avons hautement proclamé en toute l'occasion, loin de répudier les traditions politiques de l'Empire, nous nous faisons gloire d'être de l'école de Napoléon. » Vous voyez que c'est une république bonapartiste qui est ici défendue. L'école de Napoléon, c'est celle de la Convention, la République, de Louis XIV, de Richelieu, de Henri IV. Vous voyez que pour Carrel, au fond, toute l'histoire de France est un bloc qu'il s'agit de récupérer. Nous voulons la France aussi grande, aussi redoutée que possible, parce que c'est le seul moyen qu'elle soit prospère et respectée. C'est pourquoi je vous avais dit que Carrel est vraiment l'un des fondateurs de cette tradition de la République autoritaire, qui sera celle encore de Clémenceau. Et c'est aussi pourquoi il suscite un certain respect à droite. Par exemple, lorsqu'il se promenait avec des républicains dans les rues de Paris pendant des insurrections, comme il y en a beaucoup dans ce début du régime de Juillet, il lui disait, c'est un mot qui est souvent rapporté, « Je voudrais être préfet de police 24 heures pour mettre tout ce monde à la raison. » Rêve du libéral républicain d'être préfet de police, mais seulement 24 heures. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, aujourd'hui Armand Carrel, l'esprit de chevalerie. Dans cette description de Carrel, on trouve partout ce que j'appelais l'esprit de chevalerie avec Sainte-Beuve, ce sentiment de dignité, de hauteur. L'adjectif hautain revient partout pour le caractériser. Républicanisme militaire, hautain. Hein, cette citation de Nettement, il était républicain, mais républicain à sa manière. C'était un républicanisme militaire. Hautain, rêvant la dictature exercée du consentement de tous par une intelligence hors ligne et au profit des idées démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette hauteur de vue, il était passé à côté des journées de juillet 1830 et il passera aussi à côté des journées de juin 1832, hein, ces journées d'insurrection républicaine que Hugo raconte dans Les Misérables, les barricades de la mort de Gavroche. Eh bien, son attitude est la même. Louis Blanc dira qu'il avait trop jugé en militaire ce qu'il avait à juger en conspirateur. Donc, il rate les barricades à chaque fois et il sera toujours en délicatesse avec les républicains socialistes. Il dit lui-même que sont apparues, à l'occasion des insurrections de 1832, les deux nuances du parti, républicain et socialiste. Autrement dit, les modérés et les véhéments. Et on a une bonne image de cela dans cette anecdote, là aussi rappelée par plusieurs. C'est après les insurrections de 1834 et les accusés l'ont retenu comme avocat pour plaider en leur cause. Un jour, présidant une réunion des défenseurs des accusés d'avril, donc 1834, nouvelle insurrection, c'est celle de la rue Transnonain, célèbre par la caricature de Daumier, l'un de ses défenseurs, avocat de province, demandait la parole et ne l'obtenait pas, s'en plaignait assez impérieusement à Carrel, qui se tourna vers lui et lui dit d'un ton froid et significatif « Quand vous voudrez, monsieur ». L'avocat resta court. Ce mot, si bien infligé peut-être dans le cas dont il s'agissait, semblait être devenu trop habituellement la devise de Carrel. Il semblait trop dire à tout venant « Quand vous voudrez, monsieur ». Et par là, il donnait avantage et prise sur lui à quiconque n'aurait pas plus peur que lui. Autrement dit, il est toujours prêt à se battre en duel avec quelqu'un de ses alliés républicains qui demande la parole. Dans La Tribune, l'autre journal républicain, on lui reproche ainsi ses allures de grand seigneur. On lui reproche de se poser comme une supériorité intellectuelle qui professe et qui n'apprend pas. Le temps des grands seigneurs est passé, dit ce journal républicain. Et je crois qu'on a bien là l'apparition de ce modèle de l'aristocratie intellectuelle, de cette supériorité affichée de ce journaliste, hautain, on l'a dit, noble, et qui a la prétention donc de faire la leçon aux autres républicains. Les conflits avec les républicains sont nombreux. Carrel est par exemple favorable à la décentralisation, alors que les autres sont jacobins, évidemment. Il est du coup accusé d'alliance avec les légitimistes, qui eux sont décentralisateurs. Et on parle de collusion carlo-républicaine. C'est un carlo-républicain trop, trop généreux avec les légitimistes. Et il y a un texte assez étonnant où dans son hostilité au républicanisme qu'il appelle d'opinion ou de sentiment, le républicanisme qui n'est pas rationnel, au fond. Il est pour un républicanisme raisonnable contre le républicanisme violent, sentimental et d'opinion. Et il leur oppose ce qu'il appelle le républicanisme de fait. Qui représente le républicanisme de fait? Eh bien, ce sont les hommes qui ont traversé tous les régimes, ceux qu'ailleurs on appelle les girouettes. Et vous savez qu'il y a de nombreux dictionnaires des girouettes publiés sous tous ces régimes, la girouette la plus célèbre étant évidemment Talleyrand, qui a traversé toutes les époques. Eh bien, Carrel, lui, fait l'apologie des girouettes. Ça veut dire qu'il place le sens de l'État au-dessus de la notion de régime, depuis le consulat jusqu'à la monarchie de Juillet. Et voici ce qu'il dit de ces républicains de fait. Ces grands caractères sont au-dessus de la niaiserie des sentiments. Ceux qui sont républicains, les nier de républicains par sentiment. Et de la futilité des opinions. Les opinions qui changent et qui sont versatiles. Ils se regardent même comme au-dessus des gouvernements auxquels ils prêtent l'appui de leur talent. Et ils ont raison par le fait, puisque ces gouvernements tombent sans retour les uns sur les autres et qu'eux ne tombent momentanément que pour mieux se relever. Je trouve cette apologie des girouettes en tant que républicain de fait tout à fait remarquable et au fond elle anticipe ce lieu commun républicain des hauts fonctionnaires, de ces hauts fonctionnaires de l'aristocratie d'État qui traverse tous les gouvernements successifs. Mais cela explique les difficultés de Carrel, républicain hautain, avec les autres républicains et la difficulté qu'il trouve à négocier entre les violents et les modérés. C'est Sainte-Beuve qui emploie à son propos cette expression d'esprit de chevalerie. L'esprit de chevalerie, n'oubliez jamais ce mot-là en jugeant l'homme. Ça a été le principe de son erreur, puisque Sainte-Beuve est toujours critique en même temps qu'élogieux. Et Sainte-Beuve voit donc dans cet esprit de chevalerie la raison de sa chute. Et je voudrais donner l'exemple d'une affaire persistante sous la monarchie de Juillet qui montre bien la singularité de sa position, c'est celle du 21 janvier. Faut-il, sous la monarchie de Juillet, commémorer le 21 janvier ? 21 janvier, jour de la mort de Louis XVI. Aujourd'hui, on parle beaucoup des livres de commémoration et il y a toujours des débats sur les commémorations. Eh bien, sous la monarchie de Juillet, la vacation des administrations publiques continue le 21 janvier. Autrement dit, le 21 janvier est férié et cette vacation des administrations est votée par la Chambre des pairs en 1841. Carrel s'élève fortement contre cette célébration du 21 janvier après 1830. Et pourtant, par une sorte de contradiction du personnage ou de volonté de modération. Voici ce qui lui arrive lorsqu'il est en 1834-1835 en prison à Sainte-Pélagie. Et c'est le préfet de police, Gisquet, dont je vous ai déjà parlé l'année dernière. Gisquet qui a écrit d'importants mémoires. C'est par exemple lui qui accueille Chateaubriand lorsque Chateaubriand est arrêté en juin 1832. Au lieu de séjourner à la préfecture, il séjourne chez Gisquet dans son appartement de la préfecture et écoute Mademoiselle Gisquet au piano. Et voici ce que Gisquet raconte dans ses mémoires. Carrel était écroué à Sainte-Pélagie par suite d'une condamnation à 6 mois de prison. Il s'est trouvé encore le 21 janvier 1835. À cette date, beaucoup de républicains, voulant célébrer l'anniversaire de la mort de Louis XVI, illuminèrent les fenêtres de leurs cabanons. Carrel refusa de les imiter. Ils s'ameutèrent contre lui, crièrent qu'il fallait le pendre, que c'était un aristocrate. Il est en prison avec eux comme républicain, mais c'est un aristocrate. « Abat le pédant, abat les gants jaunes, abat le faquin, abat le faux patriote », telles étaient leurs vociférations. Ils se rendent à la chambre occupée par Carrel, mais heureusement la porte en était fermée. Ils essayent de la briser en criant « à la lanterne ». L'intervention des employés met fin à ce tumulte. À l'expiration de sa peine, Carrel vint me remercier des égards que j'avais eus pour lui. Voilà un passage assez extraordinaire de Carrel, victime des républicains, victime des républicains à propos du 21 janvier. Donc d'un côté, dans son journal, il s'élève contre la célébration du 21 janvier par les légitimistes et par le régime, mais en prison, il s'oppose à la célébration à leur manière du 21 janvier par les républicains. Et on a là aussi, en passant, un exemple de ces bons usages entre la police et l'opposition qui se trouve en prison, qui traverse toute cette période et dont on avait déjà eu des exemples l'an dernier. La modération des geôliers et du préfet à l'égard des prisonniers légitimistes républicains, en tout cas des plus modérés parmi eux. On peut penser que c'est par prudence, puisqu'on ne sait pas ce que réserve l'avenir de révolution en révolution. Et Carrel raconte par exemple une visite domiciliaire, une perquisition chez lui, après l'insurrection d'avril 1834, au petit matin, on le réveille pour fouiller ses papiers, et les fonctionnaires sont aimables. Et il dit de leur amabilité, « Nous avons vu, après la révolution de juillet 1830, les mêmes commissaires et les mêmes gendarmes qui étaient venus par ordre de Charles X briser nos presses, solliciter de nous l'attestation des ménagements dont ils avaient usé en exécutant leurs ordres et compter sur ces généreuses attestations que nous ne leur refusâmes point pour solliciter de l'emploi sous le nouveau gouvernement. » Et c'est ce qui se reproduit à chaque révolution dans ce 19e siècle, où on retrouve les mêmes fonctionnaires, policiers, gendarmes, qui donc tentent à faire preuve de modération, eux aussi, lors des perquisitions. Ce qui est très intéressant, c'est que dans tous ces témoignages, on a l'impression d'une idéalisation de Carrel. Je disais la semaine précédente qu'il était une sorte de saint républicain, l'un de ces saints patrons de la Troisième République plus tard, et ceux qui ont le plus contribué à cette idéalisation ou à cette canonisation, ce sont Littré et Nisard dans leur biographie Nécrologie. Par exemple, Littré qui écrit « Dans Carrel, la faculté dominante, c'était la volonté. De là, cette générosité, cette fidélité aux engagements, ce respect de la parole donnée, cette loyauté dans des proportions héroïques. » Et vous entendez tous ces termes, générosité, fidélité, loyauté, respect de la parole donnée. On a véritablement un héros de la moralité républicaine. L'ascendant de Carrel, journaliste, dit encore Littré, a moralement dirigé la presse dans ces dernières années. En 1830-1836, il est l'étalon moral de la presse d'opposition. Et je crois qu'il n'y a rien de plus typique de cette noblesse ou chevalerie du personnage que cette amitié avec Chateaubriand, adversaire politique dont j'ai déjà parlé. Cette amitié avec Chateaubriand, elle traverse toute la période de 1830-1831 à sa mort en 1836, puisqu'il ne manque jamais l'occasion de signaler dans Le National la publication des pamphlets de Chateaubriand. Le premier, c'est le pamphlet intitulé « De la restauration et de la monarchie élective » ou « Réponse à quelques journaux sur mon refus de servir le nouveau gouvernement ». Chateaubriand a démissionné de la Chambre des pairs après l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, au trône, en août 1830. Bon, c'est ce magnifique discours où Chateaubriand se traite d'inutile Cassandre. Et puis, il se tait pendant 6 mois et reprend la parole en mars 1831 par ce pamphlet. Et Carrel le signale immédiatement dans Le National. Une opinion de monsieur de Chateaubriand, jeté au milieu des protestations des hommes qui prétendent avoir tous également voulu la Révolution de juillet, est un événement considérable. Monsieur de Chateaubriand est le seul homme qui ait voulu sincèrement l'alliance de la liberté et de la légitimité. Il y a donc une admiration avouée de Carrel pour Chateaubriand. Et il continue, puisqu'il donne d'importants extraits de la brochure, par ceci. Nous ne pouvons pas donner ici toute la brochure de Monsieur de Chateaubriand. Nous en avons tiré les passages les plus frappants et nous avons eu la loyauté de citer aussi bien les opinions qui nous sont contraires que celles qui combattent le plus vivement nos adversaires. Et je crois que c'est ce qui caractérise toujours Carrel, hein, c'est ce respect de l'adversaire qui ne le transforme pas en ennemi. Toutefois, nous sommes fiers de le dire, si M. de Chateaubriand eût pu concevoir la royauté fondée autrement que sur un passé de 14 siècles et se mêler aux espérances du nouvel ordre des choses, M. de Chateaubriand serait un homme du mouvement et non pas de la résistance. Donc, dans toutes ces années, il y a ce lien qui traverse l'époque, ce lien que je qualifiais de carlo-républicain. Carlo-républicain entre légitimistes et républicains, reconnaissance mutuelle, sinon alliance. Chateaubriand, qui séjourne à Genève à l'époque, revient très brièvement à Paris. Et dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il note, c'est en septembre 1831, un dîner au Café de Paris avec Arago, Carrel et Béranger, tous républicains. Ils ne dînent qu'avec des républicains en débarquant à Paris. Tous plus ou moins mécontents et déçus par la meilleure des républiques. La monarchie constitutionnelle comme meilleure des républiques. Il y a donc de constants échanges entre eux. Lors du procès de Chateaubriand, à la suite de la publication du mémoire sur la captivité de la duchesse de Berry, la duchesse de Berry qui a fait cette expédition en Provence et en Vendée, qui a été arrêtée en Vendée, qui est en captivité. Chateaubriand publie ce pamphlet, ce mémoire, qui se termine par la fameuse apostrophe « Madame, votre fils est mon roi », alors qu'on vient d'apprendre qu'elle est enceinte d'un autre enfant. Eh bien, après ce mémoire, Chateaubriand est prévenu d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement du roi, d'attaque contre les droits que le roi tient du vœu de la nation de provocation non suivie d'effet au renversement du gouvernement. Il est donc en cour d'assises avec les 5 journaux qui ont cité sa brochure et un jeune homme qui a prononcé un discours devant le domicile de Chateaubriand lors d'une manifestation de jeunes légitimistes au cri de « Votre fils est notre roi », Charles X. Bon, cette affaire fait beaucoup de bruit, ce procès de Chateaubriand et de toute la presse légitimiste. Eh bien, voici que Carrel l'annonce dans Le National. C'est demain, mercredi, à 10h du matin, que M. de Chateaubriand comparaît devant la cour d'assises pour avoir publié une brochure qui exprimait son opinion. Quelle était cette opinion? Nous ne le demandons pas, et il est plus que certain que ce n'était pas la nôtre. Mais comme il est de principe pour nous que tout Français a, de par les révolutions de 89 et de 1830, le droit de publier ses opinions, quelles qu'elles soient, comme enfin il n'y a eu sous la Restauration que des tribunaux de police correctionnelle capables de condamner à la prison Béranger et Paul-Louis Courier, nous ne doutons pas qu'un jury libéral, un jury français, un jury d'hommes civilisés et sensible à la gloire que les écrits de M. Chateaubriand ont répandue sur son pays, naquit en lui le premier écrivain de l'époque et avec lui l'éternel principe que tout Français a droit de publier sa pensée, quelle qu'elle soit, par voie de presse. Donc c'est un éloge de la liberté de la presse et un appel au jury pour acquitter Chateaubriand. Je vous rappelle que c'est le jury d'assises sous la monarchie de Juillet, sous les débuts de la monarchie de Juillet, qui a jugé des délits de presse. C'était la même chose ici, car elle se trompe, puisque Courier, vous vous en souvenez, comme Béranger, ont été condamnés par des jurys d'assises, puisqu'au début de la Restauration, c'était aussi des jurys d'assises et non des tribunaux correctionnels. Mais qu'est-ce qui se passe? En effet, le procès de Chateaubriand est un triomphe, tout le monde est acquitté, et Chateaubriand note dans les mémoires de Trotombe que Carrel l'attendait à la sortie du tribunal avec des jeunes gens. Alors je ne sais pas si ces jeunes gens étaient carlistes républicains ou carlo-républicains, des jeunes gens qui avaient pris pour entrée des robes d'avocat. Et je crois que cette sorte de triomphe de Chateaubriand à la sortie du tribunal montre cette forte complicité. Lorsque Chateaubriand publie les premiers éléments des mémoires d'Outre-Tombe en 1834 dans la Revue des Deux Mondes, eh bien, voici que Carrel en donne de longs extraits dans Le National. C'est Avenir du Monde. Nous empruntons à l'avant-dernier numéro de la Revue des Deux Mondes la précieuse communication qu'elle a reçue d'un fragment des mémoires de M. de Chateaubriand. Et Chateaubriand le remercie dans une très belle lettre que l'on trouve également dans les mémoires d'Outre-Tombe. Votre article, monsieur, est plein de ce sentiment exquis des situations et des convenances qui vous met au-dessus de tous les écrivains politiques du jour. Et un peu plus bas, il lui parle de cette vieille amitié. Vous vous élevez bien haut, monsieur. Vous commencez à vous isoler comme tous les hommes faits pour une grande renommée. Peu à peu, la foule qui ne peut les suivre les abandonne et on les voit d'autant mieux qu'ils sont à part. C'était les cours du Collège de France le 6 février 2018. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Armand Carrel, l'esprit de chevalerie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Je rappelle son dernier livre, Les chiffonniers de Paris, chez Gallimard, en 2017. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons aux côtés d'Antoine Compagnon l'évocation du grand journaliste politique Armand Carrel. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.